Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 11. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je suis assis aujourd'hui. J'ai comme mal au dos, là. Je m'en viens vieux. J'ai de la misère avec mon dos depuis quelques semaines. C'est peut-être dû à ma remise en forme que je fais en jouant au hockey sur glace à tous les mercredis soirs depuis le début de l'année. Et puis, j'étais pas mal rouillé, mais là, je suis rendu pas pire. C'est pas long que ça décrasse et puis que le cardio revient. Cependant, je sais pas, j'ai de quoi de bloquer. Ça n'arrive pas à partir. Donc, être debout pendant une demi-heure, 45 minutes, je trouve ça difficile. C'est pour ça que j'ai décidé de m'asseoir. Et puis, c'est plus décontracté, hein? C'est moins beau, là, en tout cas, c'est... Mon décor est pas balancé à mon goût, mais le décor, c'est secondaire. L'important, c'est ce que je dis. Et puis, je suis pas mal... j'en ai parlé au dernier épisode, je vous le redis encore. Je suis pas mal occupé, là, ces temps-ci. Puis, j'essaye, là, de trouver des trous pour enregistrer des épisodes. Et puis, c'est pas facile. Je veux être... À toutes les semaines, hebdomadaire, le plus possible, mais j'y arrive pas toujours. Mais là, j'ai un petit trou, là, c'est le matin, il est 9h, j'ai mon café dans ma rutilante tasse Saint-Hubert barbecue. D'ailleurs, je vais me prendre une petite gorgée. En fait, c'est mon deuxième café, là, fait que je vais pas trop en boire non plus, question de pas faire une crise d'anxiété, comme mentionné dans mon épisode 9. Bon, là, aujourd'hui, ça va être un épisode de nouveaux jeux qui viennent dans ma collection. J'ai des affaires vraiment le fun. Je vais vous parler d'un jeu auquel je joue un petit peu ces temps-ci. Et puis, je vais surtout vous parler de Retro Montréal parce qu'il y a des grandes nouvelles, des choses qui se passent. Je suis bien excité. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas autant de temps libre pour faire des setups de pauvres, chez Papa Cassette. J'ai beaucoup de choses à gérer par rapport à cela. Alors, je vais commencer doucement, juste en mentionnant que le jeudi 11 avril, on organise un gala de lutte chez Arcade Montréal. Ça va être assez génial. Donc, il y a mes amis du podcast Le Petit Paquet qui vont être sur place. Un petit paquet, là, en passant, pour ceux qui connaissent pas la lutte, c'est comme une prise de soumission où est-ce que tu roules puis tu pognes l'autre comme une petite boule à terre puis il peut pas s'en sortir, là. Je sais même pas c'est quoi en anglais, je me rappelle plus. Mais en français, là, que si vous écoutiez la lutte quand vous étiez jeune, ça s'appelait Le Petit Paquet, puis j'imagine que ça s'appelle encore de même aujourd'hui. Je trouve ça très drôle. Et puis, il va y avoir aussi les gens de la lutte à RDS, donc Ben Cassette et Stéphane qui vont être là. Le Petit Paquet va enregistrer leur 100e épisode live là-bas, en début de soirée. Et puis, on va mettre de la vraie lutte WWF, comme quand on était petit, sur l'écran, avec du son, des commentaires. Si vous voulez commenter, vous commentez. Il va y avoir aussi des petits tournois de lutte, là, on ne sait pas trop encore, genre No Mercy ou les jeux populaires de lutte là, au 64. J'aimerais bien Pro Wrestling aussi, j'adore ce jeu-là. Donc, c'est comme une petite soirée là, improvisée de lutte, et puis ça va être pas mal le fun. Ça fait super longtemps que je voulais faire ça. Et puis, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas, nous autres, on va s'amuser en tout cas. Mais la réception sur l'événement Facebook est déjà très bonne. Donc, d'après moi, il va y avoir pas mal de monde, là. Et puis, vu que c'est un jeudi, l'entrée est gratuite pendant le 5 à 7. Alors, mangez tôt, genre, puis pointez-vous avant 7 heures. Vous rentrez gratuit, vous tripez lutte avec nous autres toute la soirée. On voit le Undertaker, l'Ultimate Warrior, les Demolition, les Killer Bees, j'espère bien. Donc, ça va être bien, bien le fun. Des nouveaux jeux qui s'ajoutent à ma collection. Là, je vais commencer avec quelque chose de absolument fou malade. Et puis, vous avez pas vu ça parce que j'en ai pas parlé sur Facebook, sur ma page ou nulle part. Juste sur la page Atari Age. Et puis, vous allez comprendre bien sûr que c'est un jeu Atari. Ah, je l'avais mentionné au dernier épisode. Je l'ai reçu. Il s'agit, mesdames et messieurs, de quelque chose d'extrêmement rare. Blackjack sur Atari 2600. Attention, il s'agit de la version Picture Label. Donc, sur Atari 2600, tu as déjà Blackjack version texte, que la cassette est toute noire, c'est juste écrit Blackjack en vert. Tu as la version Blackjack avec une illustration, mais Sears. Telegames, que l'illustration n'est pas pareille. Ces deux-là, c'est très commun. Mais la version Picture, comme ça, C'est introuvable. Je vous le dis, c'est introuvable. Ça fait des années que moi et mon collègue et ami Martin, qui est aussi collectionneur d'Atari, on a activé nos notifications eBay pour ça. Et puis, il y en a une qui est arrivée. Et puis, ça donne. J'aurais voulu juste la cassette parce que c'est la seule qui me manquait. Et puis là, ben, elle était complète, coudonc, mais il a fallu que je paye pour la boîte et tout. Mais maintenant que j'ai les deux en main, je trouve ça quand même solidement hot là, comme item. Fait que je suis allé publier ça et puis une photo de tout mon set de Picture Label Atari. Et puis ça a fait bien jaser là, sur la page Atari Age et puis tout ça, donc c'était bien fascinant. Puis c'est le fun de jaser avec ces gens-là parce que les autres sont très anal Atari, tout comme moi. Donc tu sais, il n'y a personne qui s'en va y promener, là. C'est comme des discussions plaisantes, là. C'est une bonne page. Donc, je pensais jamais avoir ça un jour de ma vie. Et puis, là, ces temps-ci, j'avais vraiment slacké les dépenses parce que les impôts s'en viennent. Mais cela dit, c'est touché parce qu'il était affiché à 350 US avec Make Offer. Et puis, il y avait juste 20$ de shipping. Donc, le shipping était très bon. Là, j'ai essayé 250 US en offer, donc 100$ de moins. Il n'y a pas eu de... Le gars n'a pas fait de suite. Puis là, je me suis dit, fuck it, c'était mon maximum. Puis quelques jours ont passé, pas beaucoup. Puis là, je me suis dit, tiens, ça n'arrivera plus. Là. C'est le temps, là, tu sais. Ça ne sera pas le temps plus tard d'avoir des regrets quand je ne retrouverai plus jamais cette affaire-là. Alors, j'ai fait une offre à 300. Et puis, il a accepté tout de suite. Donc, c'était réglé. En dedans d'une semaine, j'ai reçu le jeu. Et puis, l'état est parfait, là. C'est impeccable, c'est neuf, cette affaire-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Je l'ai testé, ça fonctionne. Donc, c'est plate, je jouerai jamais à ça, mais c'est genre un des bibelots qui me rend le plus heureux dans ma collection maintenant. Et puis, ouais, je suis bien fier, tu sais. Ça, c'est intéressant, ces affaires-là. Tu sais, collectionner, c'est beaucoup ça aussi. C'est pas tant, genre... avoir un Little Samson. Little Samson, ça vaut cher. C'est comme, j'ai ça, puis ça complète un set, puis ça, genre, c'est introuvable. Ça n'existe pas dans notre coin. Il faut creuser, faut aller sur les forums, faut gosser. Fait que c'est vraiment rare, tu sais, pour vrai, là. Donc, très, très, très heureux de ça. Je vais publier des photos de mon set Picture Label complet sur ma page Facebook aussi. Puis je vais lier les deux. Je vais mettre le lien et puis vous regarderez ça. Là, c'est très joli. J'ai bien hâte d'avoir mon sous-sol pour mettre ça en display de façon quasi professionnelle. Je commence à me demander si je devrais pas m'ouvrir un musée, tu sais, comme un. Ou me faire un Atari Shrine, tu sais, parce que je commence à avoir pas mal de stock Atari, quoique je vais faire un peu de ménage, mais ça commence à être impressionnant, tu sais. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais pour ceux que ça intéresse, en tout cas, c'est pas mal propre. Et puis, en fin de semaine dernière, il y avait la réunion du CCJVQ, le Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Et puis, eux, ils font des réunions à tous les trois mois environ. Je dirais que c'est trimestriel. Et puis, il y a beaucoup de jeux à vendre. Et puis là, je pense que c'était... il y a eu un record là, de gens qui sont venus. Alors, ça a été très bon pour Retro Montréal aussi au niveau des ventes. Et puis, moi, je me suis tenu tranquille quand même dans les achats. Mais il y a quelques items que j'ai pas, qu'il fallait que j'achète. Tout d'abord, pour rester dans l'Atari, voici le Atari Flashback Classics sur Switch. Ça, c'est pas disponible au Canada. Je savais même pas que ça existait. J'ai vu ça passer justement sur une page Atari Age ou je sais pas quoi. Là, j'ai publié des posts ici et là. Y a-tu quelqu'un qui a ça? Y a-tu quelqu'un qui a ça? Puis Mélissa Lemieux du CCJVQ a organisé un group buy. Et puis, parce que c'est disponible seulement au GameStop aux États-Unis. Donc, on s'est mis plusieurs, puis on a commandé une batch, et puis elle a fait livrer ça, il a payé le shipping, etc., etc. Et puis, voilà, je suis maintenant propriétaire de ça. Tu sais, on s'entend, là, je vais l'essayer, ça c'est sûr et certain. La compilation Atari Anthology au PlayStation 2, j'ai vraiment trouvé que c'était pourri, raide. Moi, ce que je veux, là, dans des affaires de même, Je veux pas un genre d'interface là, que tu marches dans une genre de game room, puis tu vas au cabinet d'arcade, puis là tu load un menu, puis tu viens. Moi, je veux juste des shit, juste les titres des jeux, là, pain sur play, puis ça part, là, ça ferait mon bonheur. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué. Là. Moi, je veux mettre ça dans la machine, puis démarrer. Et puis, on verra bien. Mais il y en a beaucoup, là, sérieux, des jeux là-dessus. Il y en a 150. Donc, puis des classiques d'arcade aussi, tu sais, pas juste les versions Atari 2600 des jeux, mais les versions Atari Arcade. Ceux qui savent pas, Atari ont fait une très, très grande quantité d'arcade dans le temps, donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Puis même si ça s'avère à être poche, c'est tout de même un magnifique item pas disponible par ici. C'est hot pour un collectionneur d'Atari. Merci beaucoup, Mélissa. Dans le but de continuer mon full set Game Boy, j'ai acquis des petites choses. SeaQuest, ici, qui est un jeu que je ne sais pas ce qu'on fait là-dedans, puis je m'en fous. Il était 10$, je l'ai négocié à 5 parce qu'il était propre, et puis il me l'a fait, le gars. C'est tout. C'est pas plus intéressant que ça. On s'en fout. Alien vs Predator aussi. En fait, je vais mettre ces trois-là. Et puis, je remercie Hugo Marcil qui m'a poké en privé sur Facebook pour me dire qu'il y avait de la petite grise à vendre. Et puis, il m'a fait ces trois jeux-là, dans le fond, pour 20$. C'est vraiment super gentil de sa part. Donc, on a deux jeux de Simpsons. Bart vs Juggernaut, qui paraît qu'il est bon. C'est genre le seul bon jeu de Simpsons. Au Game Boy, Bart Simpson's Escape from Camp Deadly. Donc, oui, ça doit être pourri. Et puis, Alien vs Predator. Donc, pas des jeux rares, mais pas des jeux si communs que ça non plus, du moins Alien vs Predator. Alors, ça me les prenait, puis il m'a fait un très, très, très bon prix, vraiment. Les jeux sont en parfaite condition. C'est les jeux de son enfance qu'il a joué avec quand il était petit. Alors, mon cher Hugo, ils seront entre bonnes mains chez Papa Cassette. Et puis, je te remercie encore pour cela. Très, très, très apprécié. Et puis, le dernier est très intéressant que j'ai acheté à mon ami Maxime Desjardins, a.k.a. Dej des Power Chasers. Il s'agit du jeu Universal Soldier, qui est un film poche avec... avec qui donc? C'est-tu Jean-Claude Van Damme qui est là-dedans? Ouais, Jean-Claude Van Damme puis Dolph Lundgren, là, c'est vraiment un film d'action pourri qui était supposé être popé, puis c'était pas bon. Et puis, par contre, ça, c'est un jeu de film. Et puis, c'est un bon petit platformer avec un gun, là, puis tout. Très, très, très agréable. Et puis, c'est pour ça qu'il vaut quand même un petit peu plus cher, ce jeu-là. Il vaut une quarantaine de dollars. C'est pas commun. Pas commun du tout. C'est le genre d'affaire que si vous voyez dans une bin que vous allez passer par-dessus parce que ça a l'air de la merde, mais en fait, c'est très intéressant. Paraît-il, je ne l'ai pas essayé encore, mais je suis confiant là, parce que toutes les reviews, ben les reviews, les commentaires que j'ai vus par rapport à ce jeu-là, tout le monde s'entend que c'est bon. Alors voilà, c'est une belle, belle, belle petite pièce. Là. J'ai bien hâte d'essayer ça. Universal Soldier, très cool. Là. J'ai acheté ici à Frédéric Dunn, qui est notre ami de l'Outaouais et qui fait aussi de la vente de jeux sous le nom de Tepa Game. Leur page Facebook est à venir. J'ai acheté boîte et livret de Kabuki Quantum Fighter. Ça, mes petits amis, c'est un jeu très overlooked. Hein, ouais, c'est un hidden gem, là, si on peut dire. Tous les gens qui ont essayé ce jeu-là l'ont aimé, je crois. Et puis, c'est très Batman. Comme, mettons, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Batman, au NES, le premier, là. Et puis, une twist, tu sais, Power Blade, Batman. C'est très, encore une fois, industriel, dans le fond. T'es comme un agent spécial qui se fait rapetisser, qui se fait envoyer dans un ordinateur. Mais, ce faisant, tu sais, ton corps, il se transforme en danseur kabuki, comme ça. C'est fucké, fucké, fucké. Puis, tu frappes avec tes cheveux. Et tout, puis tu grippes sur des places. Donc, ouais, c'est assez fucké. Cela dit, l'histoire, malgré sa fuckiness, est quand même intéressante. Il y a des cutscenes, moi j'ai tout lu ça, c'est bien le fun. J'ai pris le temps de finir ce jeu-là il y a une couple d'années, là, j'ai pas rejoué depuis. Mais j'ai toujours aimé ce jeu-là, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait une petite twist intéressante. Et puis, définitivement un jeu à avoir dans votre collection pour ceux qui collectionnent pour avoir du plaisir. C'est un très, très bon jeu. Moi, je le mettrais, c'est ça, dans la même catégorie que Power Blade, Shadow of the Ninja, Batman, ces affaires, Vice Project Doom, ces affaires-là. Très, très cool. C'est un jeu de HAL, donc HAL America ici. Pas mal leur meilleur, d'après moi. Au NES, ils ont aussi fait Air Fortress, qui est un jeu assez intriguant, mais pas aussi comme frénétique et trippant. Ils ont fait des classiques d'arcade, là, Joust, me semble. Des jeux de Vegas Casino, ça fait de même. Puis, bien sûr, maintenant, ils font tous les Kirby puis tout ça, HAL Laboratory. Mais avant ça, c'était eux, ce petit logo-là. Et puis, ça, c'est très, très bon. Alors, je vous le conseille fortement. Et pour finir, ma dernière acquisition du CCJVQ, et non la moindre, c'est un gros, gros, gros morceau. Il s'agit de Final Fight Guy. Alors, pour tous ceux qui ont joué à Final Fight à l'arcade et puis qui attendaient la sortie officielle sur Super Nintendo, vous avez tous été déçus, comme moi, et de constater que le jeu se joue à un seulement. Tu peux pas jouer en coop. Et que Guy, moi je dis Guy en passant, pas Guy, j'aime ça dire Guy, mes amis disent Guy, nous autres on est Guy. Et puis Guy n'était pas dans le premier jeu original. Mon personnage n'était pas dans le jeu, tu sais. Ça m'a tellement déçu. Là. Je ne pouvais même pas jouer avec des amis, puis je ne pouvais même pas prendre mon dos de l'arcade. Fait que ça a été une grosse, grosse, grosse déception pour moi. Et puis, étrangement, Capcom a décidé de refaire Final Fight, mais avec Guy. Beaucoup plus tard, là, ça doit être sorti ça, vers la fin de vie de la console. Donc, ça ne joue pas en co-op. C'est le même jeu, sauf qu'ils ont enlevé Cody, puis ils ont mis Guy à la place. Donc, écoute, c'est pas pour jouer. Ben oui, c'est pour jouer parce que ça demeure très agréable. Mais moi, Final Fight, la meilleure version serait sans doute celle du Sega CD. Et moi, je vais jouer à l'arcade chez Arcade Montréal dans notre machine même. Mais ce jeu-là vaut environ 280$ à peu près. Et puis, c'est Vincent, le King de Saint-Eustache, qui m'a. Le King! Il m'a fait un très bon prix là-dessus et puis il me l'a fait 200. Il n'y avait pas un beau bac, fait qu'il m'a donné un jeu à 5$ pour que je change le bac. Alors voilà. Donc 200$ pour enlever ça. Il était dans mes wanted vraiment. Et tu sais, au Super NES maintenant, il y a juste genre 5 jeux que je veux. J'ai tout ce qu'il me faut. Puis celui-là, ça, il était dans cette liste-là. Donc, gros, gros, gros morceau qui part. Et puis à presque 100$ de moins cher, je pouvais pas dire non. Donc, ça fut une très belle réunion. Je remercie Brian et tous les organisateurs de cette réunion du CCJVQ. On a eu bien du plaisir. Avant d'embarquer sur Retro Montréal, je veux juste mentionner vite fait que ces temps-ci, je joue à Wizards and Warriors. Si vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai pris le temps de terminer ce jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit, mais que j'avais jamais pris le temps de finir. Puis, c'est pas un jeu compliqué. J'aimais jouer à ce jeu-là. Parce que c'est un jeu de Rare, en passant. C'est développé par Rare, donc... Conquer, toutes les... Rare, là, au 64, là. Donkey Kong Country, tout ça. Mais au NES, ils ont fait, entre autres, ce jeu-là. Et puis, le soundtrack est de David Weiss. Et puis, David Weiss est un pur génie de la musique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à poser vos questions sur la page Facebook du Chac à cassette. Et puis, Baroque Larouche vous répondra que David Wise est un pur génie, et il a raison. La musique de ce jeu-là est vraiment tripante. Et puis, je ne vais pas l'expliquer de fond en comble, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais platformer, chevalier, épée, trouve des clés, bat des bébites, tue des boss, passe au prochain niveau. Et puis, c'est assez simple, mais c'est super plaisant ce jeu-là. Tu as 3 vies par continu, puis quand tu prends un continu, tu recommences à la même place anyway. Puis quand tu meurs aussi, tu recommences tout à la même place. Sauf que quand tu prends un continu, tu perds des points. Mais là, on s'en fout des points parce que moi, ce que je voulais, c'était finir la cassette, tu sais. Mais il y a beaucoup d'emphase mise sur les points là-dedans. T'as comme un tableau des scores et tout ça, quasiment comme si c'était un jeu d'arcade. Mais moi, je m'en fous. J'étais pas là pour ça. Donc, j'ai pris le temps de finir ça. Puis ça vaut pas cher. En passant, ça vaut genre 10-15$, gros, gros, gros max. C'est un jeu considéré commun. Et puis, je vous le dis, si vous jouez à... Les gens disaient, ah, c'est compliqué, on se perd, tu sais, les niveaux de... Oui, les niveaux sont un peu vides. Il y en a, en tout cas, qui sont un peu vides, surtout dans les sous-sols. Et puis, tu peux pas te perdre, vraiment. Tu mémorises où est-ce que t'as passé, puis tu y arrives, là. Sérieux, je me suis pas cassé la tête, zéro. J'ai pas eu besoin de consulter Internet pour quoi que ce soit. J'ai juste fait mon truc, j'ai branché ça. J'ai eu full plaisir. Donc, j'en parle dans l'épisode 146 de Rétro Nouveau. Alors, allez écouter ça. Et puis, moi, ça m'a donné le goût aussi de m'attaquer au deuxième, Iron Sword, Wizards and Warriors 2. Un jeu, là, vraiment mal aimé. Et je dirais avec raison, tant qu'à moi, ce jeu-là est intéressant visuellement. Et puis, il y a la musique, toute, la vibe est là. Mais il y a beaucoup de choses qui marchent pas dans ce jeu-là. Malgré tout, je veux le finir parce que j'ai jamais fini ce jeu-là quand j'étais petit. Avec raison, même aujourd'hui, je rush parce qu'il y a des affaires vraiment mal faites. Mais il y a des passwords et donc je peux recommencer où est-ce que je suis mort avec les passwords. Il n'y a pas toujours des continues, tu as 3 continues, puis après c'est game over. Mais en tout temps, tu peux peser sur select pour prendre le password de où tu es rendu. Puis là, tu recommences avec tes 3 continues, donc ça aide, mais tu cumules pas les belles choses que tu ramasses de niveau en niveau. Donc voilà, ça c'est vraiment un jeu très moyen, qui est aussi à 10$. Mais là, je veux comme me clencher la série, là, t'sais. Il est temps que je donne de l'amour à cette série-là. Puis quand je vais avoir fini le deuxième, je vais m'attaquer au troisième, qui, paraît-il, est un petit peu plus Metroidvania. Alors, je suis bien curieux de voir ça. Ça va être intéressant. Entre-temps, je vous recommande fortement de au moins jouer à Wizards and Warriors 1. Il y a quelque chose, ce jeu-là, quand même. Ah. Bon. Maintenant, pour les grandes nouvelles, je vais ouvrir officiellement une boutique de jeux vidéo à Montréal. Pignon sur rue, un vrai magasin physique. C'est fait avec mes collègues Fred Gémus et Jonathan Miette. Je peux faire un petit récapitulatif de tout ça. Fred et Joe faisaient de la vente de jeux depuis un bon bout de temps sous le nom de Retro Love. Et puis si vous me suivez ou suivez mes projets, je fais de la vente de jeux genre depuis très longtemps. Puis j'étais rendu à en faire beaucoup, beaucoup avant l'ouverture d'Arcade Montréal, mais j'ai arrêté parce qu'on ouvrait Arcade Montréal, puis là, ça me prenait tout mon temps. Et puis maintenant qu'Arcade Montréal roule pas mal tout seul, je m'ennuyais de ça, puis j'aimais ça en faire quand même, tu sais, veux, veux pas, c'est en moi, puis j'ai tout le temps aimé faire ça. Donc, je me suis joint aux Boys il y a environ un an et demi, je sais plus, à peu près ça, je dirais un an et demi. Et puis, on a refait un peu tout, on a changé le nom, on a appelé ça Retro Montréal, Retro MTL, parce qu'à l'époque, on se disait, on va comme linker un petit peu d'une certaine façon le brand d'Arcade Montréal avec le brand de notre shop de jeux. Parce que le brand d'Arcade Montréal est déjà très fort, donc on va utiliser ça puis surfer un peu là-dessus. Donc notre première identité visuelle que j'avais fait, le logo était très semblable quand même avec le MTL signé de la même façon. Cependant, c'était plus ou moins, je trouve, une bonne idée. Ça portait un petit peu à confusion. Mais moi, je trouve ça bien, par exemple, puis je suis bien content aujourd'hui d'avoir choisi pour Arcade Montréal un nom un petit peu plus générique. C'est Arcade Montréal, tu sais, tu mets ton pied à terre, c'est nous autres, fuck it. Puis, tu sais, ça prend la place, parce qu'on essayait tout le temps de trouver des noms un peu edgy, là. Yeah, le kill screen, les ci, les ça, tu sais, puis finalement, non, Arcade Montréal est tout le temps plus efficace. Le logo ici, d'ailleurs, vous le voyez, MTA. Donc, voilà. Alors, pour Retro Montréal, on voulait un peu la même affaire. Tu sais, un nom générique, c'est passe-partout. C'est très important, ça, parce que tu sais pas exactement... Oui, ton activité principale, c'est la vente de cassettes, mais si tu appelles ça les cassettes grises, après ça, si tu veux joindre autre chose, tu sais, comme, je sais-tu, moi, d'un coup, qu'on décide de transformer ça, puis d'avoir, de vendre aussi des vinyles à un moment donné, parce qu'on a une opportunité d'affaire avec quelqu'un qui tripe vinyle, hein? On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, avec Retro Montréal, on reste rétro, c'est quand même vague, puis oui, je sais, tout s'appelle rétro aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et puis, avec ça, ben, c'est passe-partout, tu sais. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on a fait le nom. Éventuellement, j'aimais pas le branding que j'avais fait. Anyway, c'était très synthwave, là, pis très Tron ou je sais pas quoi, tout ce qui est populaire aujourd'hui, tu sais, puis c'était très déjà vu, très beaucoup. Donc j'ai refait le branding et puis j'ai refait le logo, j'ai quand même travaillé fort là-dessus, puis je suis pas mal fier de mon logo. Quoique j'ai remarqué après ça que ça ressemble à logo de Macromedia. C'est que j'avais comme pas réalisé ça, pas en tout. Là. C'est drôle pareil dans mon domaine parce que des fois, tu peux faire des affaires qui ressemblent à d'autres trucs sans même voir les autres trucs, tu sais. Puis quelqu'un te montre ça par après, c'est comme « wow, ok, on a eu comme le même feel ». Ça arrive ça de temps en temps, comme quoi les gens, quand ils cherchent, des fois, ça mène aux mêmes places. Cela dit, pour notre logo, il y a le petit pad à deux boutons du Super NES. Et puis l'autre bout qui est rajouté, qui est un peu comme une ligne de métro montréalaise. Et puis les deux bouts ensemble, ça fait un M. Donc t'as le gaming, t'as la trame de métro, puis t'as un M pour Montréal. Puis le métro de Montréal, tu sais, tout ça dans du mauve et gris aussi pour rappeler le Super NES. J'ai comme choisi le mauve comme couleur principale parce que j'avais pas de shop de jeux ou de gens en ligne qui sont avec le mauve, donc je voulais un mauve très flash, très Super NES. Puis je pense que ça fonctionne bien, sérieux. Je suis pas mal content de ça. Puis j'ai développé d'autres visuels à partir de ça. J'ai redessiné des petites consoles, tout ça. Puis ça devient le branding officiel. Donc on va partir avec ça pour l'instant. Ben on roule avec ça depuis un bout. Et puis c'est ça, moi, Joe et Fred. On fait de la vente et puis tout ça, mais on fait les conventions, tu sais. Mais l'important pour nous, c'était vraiment d'avoir une solide plateforme de vente en ligne, puis que ça roule. Or, on a travaillé là-dessus pendant longtemps, et puis on travaille continuellement là-dessus anyway, et puis ça représente beaucoup de travail, et puis ça, c'est la clé. Et puis, ce faisant, là, on a chacun nos choses à faire là-dedans, là, tu sais. Donc, chacun a ses tâches, et puis à un moment donné, Fred, il y avait trop de travail avec le shipping, il y en avait trop à faire. Donc, moi, on a acquis le triplex ici dans lequel on vit présentement, et puis le sous-sol allait être excavé en mars, donc genre dans un mois, alors que j'ai acheté l'été passé. Mais entre-temps, le sous-sol ne servait à rien. Fait qu'on a déménagé le shipping dans mon sous-sol, et puis c'est moi qui s'en occupe maintenant. Puis comme ça, ça libère Fred, mais ça nous met un deadline. Tu sais, comme à fin mars 2019, il faut sortir tout notre inventaire de là parce que le sol sera creusé. Puis on peut pas le monter en haut puis vivre au travers de ça ici parce que déjà on va monter du stock pas mal, ça va être atroce. Fait que là, depuis qu'on savait ça de toute façon, on était en mode solution là, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand le deadline va arriver? Là, on s'est mis à visiter des places. On n'avait pas de place chez personne à qui mettre ça parce qu'il y en a trop. Là, on s'est dit, est-ce qu'on fait comme je faisais avant Arcade Montréal, ceux qui sont venus sur mon petit local sur Frontenac et ensuite sur Moreau. Là, je faisais de la vente en personne dans des lofts industriels, des locaux loués. Mais c'était pas des pignons sur rue, c'était juste comme un local caché, si on peut dire, dans une bâtisse où il y a plein d'autres locaux. Et puis les jeux étaient là, puis on les vendait, puis le monde se pointait. Mais c'était pas mon désir numéro un. Moi, je voyais, si on allait faire ça, ça allait être temporaire. Puis par ailleurs, j'ai fait ça pendant genre 2-3 ans. Puis j'ai comme plus le goût, là, tu sais, d'aller travailler tout seul dans un loft. Et puis... C'est comme fini dans ma tête cette époque-là. Là. Ça me tentait plus ou moins. Mais en tout cas, c'était une possibilité. Sinon, il y avait la possibilité aussi de louer des mini-entrepôts pour entreposer tout le stock, le temps des travaux. Travaux qui dureront environ 2 mois. Et puis, mais ça, c'est vraiment tannant parce qu'on vend des jeux à tous les jours en ligne. Puis là, il faudrait aller des allers-retours aux mini-entrepôts tout le temps pour faire livrer les affaires, ben, pour aller chercher les jeux, les paqueter, les shipper, tu sais, ça aurait été un cauchemar. Donc ça, c'était notre dernière option. Et puis, on se disait, ben, si on loue un loft en même temps, on n'a pas de retour sur l'investissement, c'est comme si on paye juste un entrepôt, tu sais, on n'a pas de nouvelles clientèles qui vont se déplacer tant que ça. Donc, l'option la plus haute, c'était d'ouvrir un vrai magasin, comme ça, au moins, t'as tout ton stock à la même place. Et puis, les gens, ils viennent parce que c'est un vrai magasin, donc t'as plus-value là, tu gagnes de la clientèle. Ça, c'était le best. Mais c'est le plus cher. Et puis, on se demandait, est-ce qu'on est vraiment prêt tout de suite, là, tu sais? Et puis, on magasinait quand même les locaux. On a regardé, on a visité plein. C'est surtout moi qui s'occupais de ça. Donc, j'étais allé en visiter plein. Je prenais des photos, je faisais des vidéos, je shootais ça aux gars. Et puis, on a vu, si vous suivez la page Facebook de Rétro Montréal, des locaux pignon sur rue. On en a visité 1, 2, 3, 4. 4, je pense. Il y en a qu'on n'a pas visité, mais que je suis allé voir pareil sur la Plaza Saint-Hubert. Puis ça, c'était trash, là. Mais c'est tout très cher, on s'entend. Surtout sur les places où est-ce qu'il y a du monde. Tu sais, mettons la promenade Ontario, là, ça, c'est comme... Il y a plein de locaux vacants, là. C'est tout super cher, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les propriétaires, là. Puis c'est pareil comme ici, sur Masson. J'habite proche de Masson. Il y a plein de locaux commerciaux à louer, puis après, ils appartiennent tous à l'entreprise Chiller. Et puis... Chiller, man! Et puis, eux, là, on dirait que, genre, il y a mieux avoir un loyer super cher, puis que les entreprises meurent dans leur loyer, plutôt que, genre, baisser un peu, puis de donner un souffle aux entrepreneurs, puis se passe de quoi. Donc, c'était beaucoup des locaux de même, et puis, on va pas payer 5 000$, là, au total, là, par mois pour, tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Fait qu'on on trouvait pas. Puis finalement, on en a trouvé un. C'est celui qu'on a annoncé sur notre page, qui est un excellent prix. Et puis, il est coin Hochelaga et Bourbonnière. Il est entre Bourbonnière puis d'Orléans, dans le fond. Et puis, c'est comme l'ancien pub Maisonneuve. Donc, c'était une taverne. Et puis, ça a été racheté. Et puis, le propriétaire de cet immeuble-là l'a comme reflippé au complet, puis il a séparé la taverne en deux. Donc, d'un côté, sur le côté coin d'Orléans, maintenant, il y a une épicerie fine qui s'appelle d'Orléans. L'épicerie d'Orléans, dans le fond. Donc, très propre, des beaux produits bio, un beau frigibière de bière de microbrasserie. C'est très cool. Donc, on va certainement aller chercher des lunchs, puis du café, puis de la bière, là. Et puis, l'autre côté, ça va être nous autres. Et puis, ce local-là, il était... On l'a visité un peu avant Noël, et puis c'était le local avec qui était tout débâti en dedans, il n'y avait rien dans les murs, tout. Mais c'était voulu par le propriétaire parce que le propriétaire voulait attendre de voir à qui il louait avant de fermer les murs, tu sais. Ça allait soit être un restaurant, ça allait soit être un magasin, ça allait soit être whatever, tu sais. Les besoins sont différents d'une entreprise à l'autre. Mais nous autres, vu qu'on est une boutique de jeux vidéo, c'est pas compliqué. Alors c'était de s'entendre. On a négocié un peu le loyer, puis c'était de s'entendre aussi sur ce que lui allait faire comme travaux, puis ce que nous, on allait faire. Et puis, il va pas mal tout faire, en fait, là. Ça, c'est très cool. De notre côté, il va juste rester l'aménagement. Donc, lui, on est allé avec eux. Si vous avez vu mon Facebook Live que j'ai fait la semaine dernière, on s'en allait faire ça. On allait avec le contracteur qui est aussi actionnaire de la compagnie à qui appartient tout ça, décider de qu'est-ce qui allait où. Donc là, on décide les prises de courant. Ça nous prend une prise de courant là. Ici, ça va être la toilette. Donc la toilette va être de même. Ici, il va y avoir un comptoir pour le shipping. On voudrait une prise de courant comptoir là. On va mettre des systèmes de son, donc prise de courant en haut. Système d'alarme, la switch va être là. Ici, mais un encastré, ça va être les lumières. Prise de courant dans le sous-sol pour mettre un frigo. On a tout décidé de ça. Et puis, c'était de faire approuver ce plan-là ensuite de leur côté. Le plan a été approuvé. Donc, ils vont faire tout ce qu'on leur a demandé. Très, très cool. Et puis, là, on a reçu le bail officiel. Puis, ce matin, j'étais encore... je voulais faire checker par notre avocat. Ça s'en vient, mais de mon côté, j'avais des petits changements aussi. Donc, une fois ce bail-là accepté et conclu, les travaux vont commencer officiellement. Donc, les travaux commencent le 1er mars. Les travaux se font en mars, puis nous, on a accès à partir du 1er avril. Et puis, le 1er avril, par exemple, tu sais, ça va être une boîte vide, là. Nous autres, on rentre là. Moi, je vais aller travailler de là. Donc, je ne travaillerai plus de la maison. Je vais emmener mon ordinateur. Je vais travailler là-bas, comme je faisais avant dans les locaux qu'on louait. Et puis, on ne va pas faire une ouverture officielle le 1er avril, mais je pense qu'il serait bien qu'on offre la possibilité aux gens de passer en personne, même si ce n'est pas fini. Juste pour acheter s'ils veulent en argent parce que le système de caisse sera pas là encore nécessairement. Et puis ou faire des pick-up si vous avez acheté en ligne. Donc ça sera sûrement possible. De notre côté, on a trouvé aussi une belle table là, d'accessoires et de tablettes et de rangements et de tout ce qu'on a de besoin. Donc, on va régler ça très bientôt. On est pratiquement déjà meublé à 90%. Ça, c'est malade. Et puis, il va juste rester là à faire confectionner un genre de comptoir, caisse d'accueil où est-ce que je vais travailler puis où est-ce qu'on va faire payer. Et puis, juste de setuper ça propre, décorer, installer des télés. On veut se faire un coin streaming aussi. C'est bien important pour nous que cette boutique-là, il y ait une communauté qui se construise autour. Donc, on veut faire des petits événements, des petites whatever, des conférences sur comment nettoyer ces jeux, des soirées streaming de jeux et tout ça. Le but n'est pas qu'il y ait tout le temps du monde dans le magasin à niaiser là à longueur de journée parce que ça, tu veux éviter ça à tout prix parce que c'est ça te suce toute ton énergie puis c'est pas rentable. Puis, par contre, créer des petits tournois, des trucs, ça c'est bien, là, tu sais, le soir, des affaires comme ça. Alors, on va mettre une arcade aussi. Je pensais amener la Turtles 1 qui est entreposée, celle d'Arcade Montréal. On pourrait la mettre dans un coin. On pourrait la mettre payante aussi pour une source de revenus supplémentaires. On va regarder pour les permis et tout. Donc, on a beaucoup, beaucoup de projets. Tu sais, on veut pas que ça soit, quand tu rentres là, des racks de cassettes là, dans ta face. Là, faut pas que ça ait l'air d'un pawn shop. Faut pas que ça ait l'air de tu sais, faut que ça soit élégant, propre, blanc, que ça respire. Les jeux sont là, mais c'est pas juste des jeux ici. C'est une place pour la communauté. Et puis, c'est ça. On veut vraiment que ça soit sa grosse coche. Là, tu sais, ça va être... Ça sera pas comme vous avez les magasins que vous connaissez, là, dans le fond. Là, tu sais. Ça sera pas un marché aux puces, ça sera pas un entrepôt, ça sera pas un pawn shop. Ça va être un vrai magasin tenu par des collectionneurs et des gens qui aiment les cassettes puis l'or gris pour vrai. Chose qui est intéressante, tu sais, parce que juste même dans les conventions où est-ce qu'on va, on peut jaser avec les gens. Si quelqu'un me pose une question, hey, je cherche un jeu à 10$ au NES, nanana, ben achète Wizards and Warriors, tu sais. On joue, nous autres, puis ça nous intéresse, puis on fait des podcasts là-dessus, puis on est là-dedans depuis toujours. Donc le service va être en fonction, tu sais. C'est ça qui est. C'est ça le plus-value d'une place comme ça. Mais c'est ça. Ça, c'est quand même stressant. Là, ouvrir Arcade Montréal, c'est un investissement très important. Et puis, c'était doublement stressant. Mais là, ça va bien. Ça, c'est fait. C'est merveilleux. Donc là, j'ouvre un deuxième commerce. Puis moi, au niveau personnel, celui-ci est moins imposant financièrement, là, disons. Et puis, on n'allait pas faire ça sur un coup de tête comme des cabochons. Là, c'est sûr que c'est des coûts. Et puis, c'est du long terme. Puis les magasins ferment. Puis tout ferme. Puis nous autres, on va ouvrir un magasin! T'sais, on va complètement dans l'autre sens, là. Mais je pense, moi, que... Tu sais, je veux dire, la façon logique de le faire, c'est d'avoir le backup financier. C'est d'avoir les ventes d'abord. Puis après ça, tu ouvres ça comme une option supplémentaire. Notre vente en ligne nous permet déjà d'être bien à l'aise. Puis depuis Noël, on a tout ajusté ça encore. Puis là, on vend genre 3 fois plus. Donc, ce n'est plus stressant de payer le prix pour ce loyer-là. Puis, il va emmener des ventes et il va emmener de l'inventaire aussi. Le monde va venir nous porter des choses. Donc, ça va juste comme exploser tout, là, dans le fond. Genre, on n'aurait jamais loué ça si on avait été comme un peu dans le vide. Bon, ben, on vend pour 500$ par mois, mais en tout cas, j'espère que le monde va venir. Tu sais, c'est... Moi, je risque pas ces affaires-là. T'sais, comme, je vais sauter si je vois le coussin en bas. Là, t'sais. Je saute dans le vide, mais en sécurité, là, disons. Pas en cabochon. Donc, faut faire attention. T'sais. Puis là, le bail aussi qu'on a reçu, je l'analyse comme il faut. Je vais être sûr qu'il n'y a pas de clause là-dedans qui nous retienne ou qui nous condamne si jamais la business ne marche pas et il faut qu'on ferme après 2 ans. T'sais. C'est bien important de vérifier tous ces aspects-là. Et puis le local, on l'a vraiment magasiné. Le prix est très bon pour ce que c'est. On se voit là à long terme parce que c'est vraiment assez grand. Il est parfaitement situé proche de ma maison, celle de Fred, celle de Joe. Donc, ça ne sera pas compliqué pour nous d'y aller. Et puis, on va mettre les heures et tout ça. Puis, tu sais, comme... Tout fait du sens. Là. Je voulais pas nécessairement qu'on ouvre cette année, mais d'un autre côté, tout est en ligne, les astres sont alignés vers ça. Donc, faisons-le. Pour, ça va être une grosse année avec le sous-sol, le local et tout. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un coup à donner. Puis après ça, on va relaxer un peu. Mais le plus tôt on le fait, le mieux. Parce que s'il y a quelque chose... Avec Arcane Montréal, on a vraiment testé les eaux pendant 2 ans et tout ça. Puis ça a pris du temps, mais qu'on l'ouvre. Puis si on l'avait ouvert plus tôt, on aurait commencé à faire de l'argent plus tôt, là, tu sais. Mais en même temps, c'est un risque, on ne savait pas en tout. Fait que c'était très épeurant. Mais ça, je suis confiant que ça va bien marcher. Ça marche déjà bien, puis on n'existe même pas physiquement encore. Donc, le plus tôt on ouvre, le plus tôt on en profite. Et puis, le plus tôt, ben tout ça grandit et tout ça est fantastique. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Nous, on va travailler là. Éventuellement, bien sûr, ce qu'on aimerait, c'est travailler moins. Parce que là, on est tout le temps là-dedans, tout le temps. On a refait l'inventaire hier soir, il y avait des bugs avec eBay et tout. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de communication, beaucoup de back and forth. Et puis là, en plus, en ouvrant, il y a plein d'affaires à faire, là, tu sais. Et puis il y a plein d'affaires, tu sais, les assurances, le système d'alarme, la déco, les cossins, le truck, tu sais. Il y a 1000 patentes, là, à checker, Vidéotron. Donc, voilà. Mais idéalement, c'est qu'on aurait un petit employé ou deux, tu sais, du monde qui puisse travailler là-bas et puis qui sont capables de faire ce qu'on a à faire. Nettoyer des nouveaux jeux qui arrivent, les mettre en ligne et puis les mettre sur les tablettes puis faire de la vente, tu sais. Parce que là, c'est nous autres qui fait tout ça. Tu sais, on veut un setup permanent pour qu'un employé est simple, pour qu'un employé qui arrive de l'extérieur puisse faire notre job, tu sais, faire du shipping, faire tout ça. Pour que nous autres, on puisse aller jouer au golf. Non, mais une entreprise fonctionne bien quand tu n'as plus besoin de t'en occuper ben, tu sais. Puis Arcane Montréal fonctionne comme ça. On a une gérante, on a des employés, puis nous autres, bon, on fait juste comme de loin donner des petites directives puis intervenir aux besoins quand il y a un truc important ou whatever. Mais le but d'une entreprise, c'est qu'elle soit rentable puis que tu n'aies pas besoin d'être tout le temps dedans pour que ça roule. Puis on s'enligne là-dessus. Alors, on est bien excités. Suivez la page de Retro Montréal, Retro MTL, pour voir tous les développements de ça. On va comme publier chaque chose, le fun qui arrive, et puis ça va être bien swell. Comme je disais, les travaux se font en mars, on a accès en avril. D'après moi, le 1er mai serait possiblement une date d'ouverture officielle, que tout va être beau, tout va être installé là-dedans. On a tout le système de caisse à rentrer et tout aussi, donc à voir. Mais ça risque de ressembler à ça. Donc, ben voilà, ça conclut pour aujourd'hui. Je suis bien excité de ça. Puis je remercie tout le monde qui font déjà affaire avec nous chez Retro Montréal. Visitez notre boutique en ligne, retromtlgames.com ou jeux au pluriel, retromtl.com. Ça marche les deux. Et puis, on est bien excités. Alors, voilà. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. On va prendre un autre gorgée. Ah. Allez sur jeuxvideo.rds.ca et suivez, bien sûr, la page du groupe Facebook de RDS. RDS Jeux Vidéo. Et puis, suivez ma page Papa Cassette pour ma vie dans le gaming rétro. Et puis... Je voulais prendre le temps, 2 secondes encore une fois, de remercier les gens qui m'ont écrit en privé et personnellement par rapport à l'épisode 9 sur l'anxiété, parce qu'il avait été publié sur la page de RDS, mais j'ai sorti l'épisode audio en podcast par la suite, et puis les gens, il y a d'autres personnes qui ont eu accès, qui l'ont écouté à ce moment-là, et puis vraiment, ça me touche beaucoup les commentaires que je reçois, et puis juste les gens, des fois, qui m'écrivent comme ça, « Hey, j'ai vu tel jeu, en tout cas, ça t'intéresse. » Puis en passant, j'écoute ton podcast, puis c'est vraiment le fun. Ça me fait tellement plaisir, là. Ça m'encourage au bout à continuer à en faire. Je podcast sur Rétro Nouveau depuis 2011, puis Rétro Nouveau est un excellent podcast. Et puis, écoutez Rétro Nouveau. Le Papa Cassette, moi, ici, c'est genre de complément. C'est plus... une place pour moi pour m'exprimer au niveau personnel, chose que je peux pas faire à Rétro Nouveau parce qu'on livre la marchandise, tu sais. C'est bien correct, c'est ça la formule, puis c'est ça qu'on veut faire. Mais moi aussi, j'aime parler, puis j'aime extérioriser les choses, et puis j'aime beaucoup le faire comme ça de façon audio et vidéo. Vidéo sera améliorée bientôt d'ailleurs. On verra. Après, ça va être un petit peu moins pauvre comme setup. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous dire merci beaucoup. de lire mes affaires et de me donner des commentaires. C'est vraiment très gentil. Alors, voilà. Merci beaucoup et à bientôt.